Marque Santé. Marque Santé. C'est votre magazine de santé hebdomadaire avec Barthélémy Kone et ses spécialistes. Marque Santé, c'est tous les vendredis à 15h sur la radio qui va jusqu'au bout du monde. Marque Santé, la seule et unique salle de consultation radiophonique. Mesdames et messieurs, amis auditeurs de la radio Beke FM, bonsoir et bienvenue à cette émission, ce nouveau numéro de Max Santé. Et aujourd'hui, nous allons parler, comme d'habitude, des problèmes de santé publique. Et aujourd'hui, nous allons parler du suicide, mesdames et messieurs. Et pour le faire, nous avons un correspondant qui n'est pas à Boaké ici, qui se trouve actuellement de l'autre bout du pays à Abidjan. Et on aura tout le temps de le présenter. Et vous le savez, en parlant de suicide, c'est tant problème de santé publique qui existe dans la plupart des pays et malheureusement dans le monde entier, le suicide est la 15e cause de mortalité dans le monde avec environ 1 million de suicides par an. La Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus touchés par ce phénomène avec 23 cas par an. Selon les données de l'OMS de 2020, nous nous situons malheureusement au troisième rang en Afrique derrière le Lesotho qui compte bien sûr 28 cas par an et la Guinée équatoriale qui compte 25 cas par an. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler de suicide, mais plus particulièrement de la corrélation qui existe entre santé mentale et suicide. Et pour cela, nous allons nous tourner vers notre intervenant du jour, qui est bien sûr un consultant. Il aura largement le temps de se présenter. Bonsoir, cher frère. Bonsoir, monsieur l'animateur. Alors, je vais vous donner la latitude de vous présenter vous-même. Oh. À nos auditeurs de la région du Beke, je précise que vous êtes à Abidjan. Effectivement. Bonjour à tout l'auditoire de Beke. Oui. Et bonjour à vous-même également. Bien sûr. Je suis Serge-Jean Blébou, doctorant en psychologie sociale du travail et des organisations. Oui. Effectivement, docteur en management du travail et des organisations également. Okay. Je suis consultant psychologue indépendant. Oui. Voilà, donc je suis là pour répondre effectivement à vos préoccupations du jour. Et je rappelle que vous venez de l'université Alassane et Félix Houphouët-Boigny. Effectivement, je suis de l'université Félix Houphouët-Boigny. Ok, et aujourd'hui, le thème que nous allons développer est un thème qui est sérieux. C'est ça. Ok, alors le temps qu'on se retrouve allègrement, je vais vous proposer qu'on écoute une musique qui va nous poser les esprits avant que nous nous retrouvions. D'accord. Ça s'appelle l'automutilation. Tu sais cette chose dont tu as honte quand tu prononces son nom. Y'a pas de loi, y'a pas de règles dans son jeu de toute façon. Il suffit de se détester, tu connais la chanson. Ça part de rien, tu sors des coups, le cœur bien abîmé. Et dans ta tête, c'est la guerre, les problèmes font qu'empirer. Mais t'y penses pas, t'as pas le choix parce que personne n'est là. Et puis tu craques, tu fonds en larmes et tu regardes tes bras. Seul dans ta chambre, assise dans mort, tu ne cesses de pleurer. Tu penses à tout ce qu'on t'a fait depuis que t'es arrivé. T'as juste envie de tout virer et de tout balancer. Mais prise au piège dans cet enfer, c'est toi que tu vas briser. Alors tu prends cette putain d'âme et tu traces le premier trait. Ça te fait mal mais tu t'en fous car tu te sens soulagé. À quoi ça sert de prier pour ces gens et de se mettre à genoux? Car ton cœur souffre mais c'est ton corps qui prend tous les coups. Tu penses que personne ne comprend ce que tu vis vraiment. Alors tu penses qu'il remplace tes cris. Oui, c'est ta meilleure amie. Quand personne ne t'entend hurler à chaque instant. Tu penses à celle qui compte tes envies. Oui, c'est ta meilleure amie. Psychologiquement avant d'aller en cours. La peau qui brûle, les yeux qui piquent, la nuit a été dure. Tu caches dans ton armoire ton instrument de torture. Tu te maquilles, efface tes cernes pour paraître bien. Tu mets la dose de produit pour courir ton chagrin. Et face à la glace, tu t'entraînes à faire ton plus beau sourire. Pour que personne ne se doute que t'as juste envie de mourir. Tu sors de ton placard le seul puis la manche longue que t'as. Tu dis des conneries à tes amis quand ils demandent pourquoi. La plupart du temps, tu réponds que tu as beaucoup trop froid. Et que les blessures sur tes poignets proviennent de ton chat. Mais merde, pourquoi tu t'infliges autant de violence? Mais bordel, laisse-toi encore une deuxième chance. On dirait que ton corps a subi la seconde guerre mondiale. Arrête de te couper, je t'en supplie, pose-moi cette lame. Tu penses que personne ne comprend ce que tu vis vraiment? Alors tu penses à qui remplace tes cris? Mesdames et messieurs, merci. Vous êtes de retour sur ce plateau de la radio Gbeke FM. Mais comme on l'a dit, nous sommes avec le frère Blébou qui est consultant. Il a plusieurs casquettes. On va revenir encore de plus en plus sur ces différents titres au cours de cette émission. Mais bien avant, sachez que l'unité de médecine légale du service d'anatomopathologie, bien sûr, du centre hospitalier universitaire CHU de Trècheville, Abidjan, sur une période de 8 ans, a mené une étude sur des cas de suicide. Il s'agit bien sûr d'une étude médico-légale de 101 cas intitulée « Les morts violentes par suicide ». Et bien sûr, on peut citer quelques noms hein, qui ont participé à cette étude, en l'occurrence professeur Yapo Ete, Hélène, et il a été enregistré durant cette période d'étude 24 000 décès, dont 101 cas de suicide confirmés. Il ressort que la majorité des personnes décédées étaient de sexe masculin, environ 78%. La tranche d'âge la plus concernée était celle de 20 à 29 ans, environ 28%. Et il faut ajouter aussi que ces décès concernaient aussi bien les célibataires, 54%, que les personnes vivant en couple, 31%. Les suicidés exerçaient, entre autres, une activité de type privé et les décès survenaient généralement dans un contexte de dépression, environ 37%, et parfois sans facteur de risque, environ 29%. Alors, avec docteur, il va nous aider à comprendre tous ces chiffres liés au cas des suicides. Mais bien avant, la question que j'aimerais bien vous poser, si vous êtes là, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, alors, docteur, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce que c'est que le suicide, même d'abord, avant qu'on en arrive à la santé mentale? C'est quoi le suicide? Bon, le suicide, d'abord par définition, le suicide vient de deux mots grecs, oui. deux mots latins, oui. À savoir sui, qui veut dire soi, oui. Et taidere, oui. Qui veut dire mourir, se tuer. Donc le suicide se définit par ceci, veut dire effectivement que c'est se donner la mort, du vraiment délivrer soi-même. Okay. Voilà, c'est comme ça qu'on peut comprendre un peu le terme de suicide. Ok, donc on prend soi-même la décision de mettre fin à sa vie. Effectivement, de façon délibérée, on prend soin de mettre fin à sa vie. Par des raisons que ce soit. Okay. Plusieurs raisons que ce soit. Oui. Alors, docteur, de quoi parle-t-on lorsqu'on on utilise le terme santé mentale? Oui, effectivement, la santé mentale fait partie intégrante du bien-être en général. Oui. Et en est une composante. Ok. La santé mentale est déterminée par un ensemble complexe de pressions vulnérables. Oui, oui. D'ordre individuel. Ok. Alors, il est plus nécessaire d'agir dans ce sens. Il existe entre autres plusieurs solutions efficaces pour remédier effectivement à ce qu'on appelle santé mentale. Alors, par définition, pour comprendre de façon grosso modo, oui. La santé mentale correspond à un état de bien-être, oui. Qui permet d'affronter les sources de stress de la vie. Ok, un état voilà. De bien-être pour affronter les sources de stress de la vie. Et donc, pour résumer, il faut le dire pour nos auditeurs qui se trouvent, par exemple, dans les environs de Boaké, c'est de dire que c'est un état de bien-être mental, en quelque sorte. Effectivement, c'est un état de bien-être mental. C'est bien se sentir. Voilà, c'est bien se sentir, d'être positif, c'est bien se sentir, d'être à l'aise, oui. Voilà, comme on le dit à Bian, on le dit en Côte d'Ivoire, d'être à l'aise dans ta tête, dans ta peau. C'est ce qu'on appelle la santé mentale. Bien à l'aide de sa tête. Voilà. Et cette santé mentale-là, aujourd'hui, on sait qu'on a des hôpitaux plutôt psychiatriques qui s'occupent de ce qu'on appelle la santé mentale de nos populations. Mais est-ce que vous pensez que cette santé mentale-là est mal connue, c'est-à-dire que mal présentée à la population? Par exemple, chez moi, quand on parle de santé mentale, on fait référence à un fou. Effectivement, c'est la pensée du sens commun. Okay. Et cela, ça va de soi. C'est-à-dire, on parle du postulat que l'individu en tant que tel, l'ivoire en tant que tel, lorsqu'il est malade, il ne se réfère pas directement au centre de santé. Oui. D'abord, en premier lieu. Et c'est ça le problème le plus récurrent. Okay. Alors, dès lors qu'un individu se sent mal, au lieu de fréquenter ces centres-là, il préfère faire l'automédication ou bien se référer à d'autres pratiques. Oui. D'accord. Donc, partant de là, lorsqu'on fréquente les centres de santé, oui. C'est à partir de ces centres de santé là qu'on peut diagnostiquer si la personne est exposée à un cas de santé mentale. Oui. Et c'est en ce moment qu'on peut diriger la personne vers les spécialités les plus. Oui, effectivement. Habilité à le faire, voilà. À le soigner, à le prendre en charge. Effectivement. Donc, voilà. Donc, c'est ça le problème. Sinon, il y a les structures existent, mais c'est une notion de psychologie. Comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on est en cas d'une maladie mentale? Oui. Du coup, l'individu se dit que c'est un fou. Et donc, il préfère fuir ces centres-là, les centres psychiatriques. Oui. Et de se référer de pas de. Donc, et surtout aussi, est-ce qu'il ne faut pas ajouter que, par exemple, pour celui qui vit un chagrin d'amour, on ne pense pas nécessairement que c'est une maladie mentale, on se dit que c'est un état passager, un chagrin d'amour, une dépression, un moment de tristesse, parce que c'est quand même perçu, on ne voit pas ça directement comme une maladie, est-ce que c'est pas ça le problème? C'est pourquoi je vous salue, parce que votre émission est la bienvenue. Oui. Il faut que dès lors qu'un individu se sent mal dans sa peau, mal de sa tête, du coup, il faut qu'il puisse déjà fréquenter un centre de santé. Oui. Et c'est à partir de là qu'on peut établir qu'il est malade ou pas. Parce que lorsque tu te sens que tu es dans une, comme vous venez de dire tantôt, mm-hmm. quand tes signes se présentent, oui. il faut déjà s'alerter, parce que on peut être exposé à toutes sortes de vices. Voilà. Okay. Donc, il faudrait que déjà, on puisse fréquenter ces centres-là pour pouvoir diagnostiquer de quoi, effectivement, nous souffrons. OK. Voilà. Alors, dites-nous, M. Blébou, est-ce que lorsqu'on se sent bien, est-ce que lorsque la santé mentale est au rendez-vous, on a des envies de suicide? Oui, mais le suicide est la conséquence de plusieurs facteurs. De plusieurs facteurs. Entre autres, la dépression, entre autres, la solitude, entre autres, il y a les facteurs génétiques, entre autres, l'addiction à l'alcool, à la drogue et même au tabac. Et tous ces facteurs réunis peuvent amener un individu au suicide. Voilà. Et donc, il n'y a pas lieu d'être en état d'une maladie mentale pour se diriger vers ces centres-là. Dès lors qu'on se sent mal dans sa tête, ou bien de façon générale dans son physique, oui. il faut déjà chercher un lieu spécialisé dans ce centre-là pour pouvoir détecter de quoi effectivement nous souffrons. Parce que ce sont ces petits symptômes-là qui peuvent effectivement amener un individu voire même à se suicider. Voilà. Ok. Alors, docteur, dites-nous, est-ce qu'il y a un lien entre santé mentale et suicide? Bien sûr, il y a entre la santé mentale et le suicide. Puisque le taux croissant de suicide est un facteur indicateur dans ce sens-là. Oui. Voilà. Et donc, il y a véritablement un lien. Puisque la santé, le dysfonctionnement de la santé mentale oui. corrobore effectivement avec ce qu'on appelle le suicide. Puisque le suicide a plusieurs facteurs, entre autres la dépression. Oui. La dépression est la cause principale du suicide. Et maintenant, il vient de d'autres facteurs. Donc, il y a véritablement un lien qui, qui, qui est tissé entre la santé mentale, l'état de santé mentale et le suicide. Voilà. Ok. Alors, docteur, comment expliquer, par exemple, l'augmentation du taux de suicide dans un pays tel que la Côte d'Ivoire? L'augmentation du taux de suicide en Côte d'Ivoire est causée par plusieurs facteurs. Vous savez que depuis Belle Lurette, la Côte d'Ivoire est exposée à plusieurs crises, sociopolitiques. Oui. Et donc, ces crises-là peuvent expliquer ce qui arrive directement. Effectivement. Et donc aussi également, je disais tantôt que lorsque un individu se trouve dans un désespoir avéré, lorsqu'il voit son avenir, puisque c'est la tranche d'âge de 20 à 29 ans qui est plus touchée, qui est plus prononcée dans le cas de suicide. Oui. Et quand vous voyez ceux qui se suicident, c'est en partie le fait de lance de la société ivoirienne. Et donc, tous ces facteurs réunis explique véritablement les cas récurrents de cause de suicide, des cas de suicide en Côte d'Ivoire. Okay. Il faut dire que aussi, hormis les causes sociopolitiques, il faut dire que aussi il y a la population galopante, la population qui va de façon croissante. Oui, l'augmentation de la population. Voilà, effectivement, et le taux croissant d'élèves, d'étudiants, d'élèves de la population va de façon croissante. Oui. Voilà. Les postes au niveau de l'administration, les postes au niveau du privé, de cas de travail, en tout cas, un peu plus ou moins minime. Oui. Et donc, les individus, les étudiants, les élèves voient un peu leur avenir un peu en griffe biaisé. Voilà. Cela peut aussi également expliquer ça. Vous voyez aussi que la tendance qui est touchée, c'est les jeunes et aussi. Il y a le chagrin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le chagrin d'amour. Vous savez que les jeunes sont beaucoup exposés à ces genres de situations-là. Oui. Voilà, donc, ce sont les causes qui expliquent, entre autres, la récurrence de ces cas, Voilà. Alors, souvent, moi, je m'interroge, docteur, je me demande, alors, pourquoi dans certains pays, il y a moins de suicides, alors que dans d'autres, comme la Côte d'Ivoire et comme le Japon, par exemple, il y a plus de suicides? Oui, effectivement, il y a plus de suicides en Côte d'Ivoire. Et c'est là que l'État doit encore faire prévaloir les centres qui existent présentement. Et aussi des spécialités comme la psychologie, comme la sociologie et bien d'autres disciplines, hein, pour pouvoir endiguer ce phénomène-là. Pour pouvoir prendre à bras le corps ce phénomène qui devient de plus en plus récurrent. D'abord, je salue le professeur Koua. Qui a mis en place au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny une batterie de moyens pour pouvoir prendre déjà en charge les personnes en dépression, les personnes qui sont vulnérables. Oui. Voilà. Donc, ce sont des causes-là qui font que dans d'autres pays, ces structures sont vraiment au quotidien avec la jeunesse. Voilà. Oui. Donc, quand c'est dans ces pays, ces structures sont déjà en alerte. Je pense que le taux de suicide va de façon décroissante. Et vraiment, j'attire l'attention des autorités afin qu'on puisse développer des structures encore qui existent, mais les multiplier afin d'être corps à corps avec la jeunesse pour pouvoir endiguer ce phénomène, réduire de façon considérable ce phénomène. Oui, réduire de façon considérable ce phénomène. Et donc, on parle des questions sociales, des questions de la situation politique et des difficultés d'accès à l'emploi qui sont toutes des causes de suicide. Et aussi, il faut évoquer, par exemple, les conditions de vie en famille, tout et tout. Alors, docteur... Pour ajouter également, en plus de ça, il faut, comme vous venez de dire, il y a la situation sociale, des personnes qui sont issues de familles recomposées ou même des familles décomposées, ça crée aussi un certain nombre de dissonances cognitives au niveau de la jeunesse, et qui peut aussi, entre autres, expliquer ce phénomène-là également, ce cas de suicide. Voilà. Ok. Donc, alors, ça, c'est d'un point de vue purement, on parle des facteurs d'un point de vue physique. Mais maintenant, je veux savoir d'un point de vue biologique et psychologique, qu'est-ce qui peut pousser, par exemple, un homme, à quel moment ça survient, à quel moment clé du fonctionnement du cerveau, on décide de mettre fin à sa vie. On décide comme ça, ah oui, moi je vais me tuer. Et comment ça se passe? D'abord, il faut dire que le suicide provient de, comme on a dit tantôt, d'un cas de dépression. C'est-à-dire une inadéquation entre l'état dans lequel nous étions avant et l'état dans lequel on se trouve présentement. Oui. Voilà. Et ces facteurs peuvent amener le cerveau à réagir différemment comme il réagissait auparavant. Oui. Et donc, il y a une certaine altération du système, système nerveux et qui amène l'individu, effectivement, à avoir des idées de suicide. Oui. D'abord, ça part des idées noires d'abord. Avoir de façon récurrente sur 15 jours, avoir le sentiment d'un mal-être. Je ne veux plus vivre. Ouais, c'est, à travers des propos, je ne veux plus vivre, la vie me dégoûte. Une baisse d'estime de soi. Voilà, l'estime de soi, voilà, l'estime de soi baisse, la personne n'a plus confiance en lui. Et dès lors, ça, ce sont les signes, ce sont les symptômes. Et dès lors, quelqu'un se présente et qu'il y a quelqu'un qui est à côté, du coup, la personne peut dénoncer ce cas-là pour que, effectivement, ce cas puisse être rapidement maîtrisé. L'avenir. Donc, voilà, oui, effectivement, c'est comme si l'avenir paraît flou, noir. Voilà. La personne voit tout en noir. La personne voit tout en noir. Et ce sont ces signes-là, ces symptômes-là, qui peuvent pousser l'individu à voir en esprit l'idée d'un suicide éventuel. Parce qu'on allez-y. Et dès lors, il faut déjà dénoncer ce cas-là. Et lorsque le suicide est dénoncé, il pense qu'immédiatement, il y aura une prise en charge psychologique et sociale. Effectivement, parce qu'on se demande comment avoir suffisamment de courage et se mettre une corde au cou et aussi utiliser un autre moyen de suicide. En tout cas, comment avoir le courage pour une personne d'aller mettre fin à sa vie sans ça paraît surprenant. Et tel que vous l'avez expliqué, le cerveau, déjà il y a une altération du cerveau qui fait qu'on ne voit plus les choses comme avant ou comme d'ordinaire. C'est ça, effectivement. Ok. Je saisis Lucas là pour interpeller la jeunesse, les jeunes. Il faut dire qu'ils sont déjà, eux-mêmes, ils sont les ambassadeurs de leurs différentes familles. Oui. D'eux-mêmes et de leurs différentes familles. Et même de la nation tout entière, du monde même en général. Et le fait de se donner la mort n'est pas la solution. Et il faut qu'ils sachent, eux, à leur niveau, que les citoyens qui vivent maintenant, ou bien qu'ils vivent là, ont été déjà plus ou moins vécus par d'autres personnes. Okay. Voilà, même de façon extrême même d'ailleurs. Okay. Et donc, la vie étant belle, il n'y a pas une autre vie. Et il n'y a pas de solution, il n'y a pas de cas sans solution, hormis la mort. Donc, il n'y a pas lieu de se donner à ce phénomène de suicide. Parce que ces cas qu'il présente, il y en a d'autres qui vont copier sur ces cas-là pour éventuellement s'adonner à ces gens de pratiques-là. Ok. Voilà. Alors, docteur, c'est-à-dire, selon votre développement, on peut découvrir, on peut prendre de l'avance sur un cas de suicide grâce à l'entourage, grâce aux proches. C'est ça? C'est grâce à l'entourage, grâce au quotidien de l'entourage, les personnes. C'est-à-dire que lorsqu'on remarque un changement chez l'individu, lorsqu'on remarque un changement dans les habitudes de l'individu, du coup, de façon négative d'ailleurs. Oui. Donc, du coup, voilà. Et si cela persiste au minimum 2 semaines, parce que c'est à partir de là que c'est un peu plus poussé, prononcé. Et donc, à partir de 15 jours déjà, et que si le même comportement, les mêmes habitudes sont de façon graduelle, il faut déjà dénoncer, maîtriser déjà. Voilà. Et dénoncer. Des suicides spécialisés dans ce sens. Surtout qu'on sait qu'il y a des suicidaires qui préparent leur suicide, qui prennent tout le temps par moment dans la causerie. On peut le sentir, ils en parlent sans toutefois être direct, mais ils évoquent par moment la mort. Malheureusement, il y a des cas avérés où l'individu n'est pas écouté ou bien il ne prononce pas ces thèmes-là. Oui. Et c'est la partie la plus difficile. C'est-à-dire, quand l'individu est réservé, il ne peut pas ressentir l'amertume ou bien la situation qu'il vit. Oui. Là, c'est un peu plus moins difficile. Par contre, lorsque l'individu exprime, c'est pourquoi il faut faire une certaine sensibilisation. Lorsque l'individu exprime son amertume ou bien la situation qu'elle vit de façon récurrente, du coup, nous trouvons dans un cas de dépression. De dépression. Il faut l'approcher. Il faut l'approcher. Il faut l'approcher. Essayer d'abord, plus que c'est l'entourage qui est déjà les plein personnes sont des.